Bonjour, nous republions une actualité du mois de juin dans laquelle Océane nous explique l'importance des commémorations de guerre pour la diplomatie. Océane voulait ce mois-ci nous parler des commémorations de guerre, étant donné que nous avons récemment eu la commémoration de la 75e année du débarquement en Normandie. Pourquoi donc ? Alors oui, c'est une actualité qui m'a plutôt intéressée parce que les célébrations mémorielles de guerre ou autres grands événements marquants pour les États, les citoyens et l'histoire du pays, ben, ça revient assez cycliquement. Et souvent, on entend parler de mémoire, évidemment, la mémoire qui sert à créer ou à perpétuer l'histoire d'un pays, mais on entend souvent aussi parler de diplomatie. Et donc, j'ai trouvé que c'était un sujet plutôt original et assez intéressant. À évoquer aujourd'hui. Alors, on utilise souvent ce mot diplomatie, mais sait-on toujours de quoi il s'agit? Alors, sans rentrer dans de grands détails, la diplomatie, ça désigne la science, mais aussi la pratique des relations entre les États et des relations entre les autres acteurs internationaux qui ne sont pas des États. Par exemple, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations unies, les ONG et les OIG. La diplomatie peut s'exercer dans des cadres bi- ou multilatéraux, en fonction des questions qui sont traitées et de la politique mise en place. Par exemple, un exemple de diplomatie bilatérale, ça peut être la signature des traités dits de Lancaster House entre la France et le Royaume-Uni en 2010. Un exemple de diplomatie multilatérale, ça peut être les discussions à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors souvent, on entend des confusions entre politique étrangère et diplomatie. Est-ce que tu pourrais faire un point rapide sur la question? Oui, alors c'est plutôt important de ne pas confondre les deux. La politique étrangère, c'est ce qui formule les objectifs, et la diplomatie, c'est ce qui les exécute. La diplomatie, c'est un outil qui ne peut pas fonctionner sans une politique qui la guide. Et la politique étrangère a besoin de ces outils, donc la diplomatie entre autres, mais ça peut être aussi l'outil militaire ou l'économie, ou la culture. Mais il ne faut pas oublier que l'outil qu'est la diplomatie a un impact sur la formulation de la politique étrangère. Par exemple, un diplomate qui insulterait un chef d'État étranger, ça a un impact sur la stratégie de la politique étrangère française. Et ça pourrait potentiellement contrarier les plans. Les commémorations du type le D-Day, ça fait partie intégrante de la diplomatie. Sur le site de France Diplomatie, d'ailleurs, la cérémonie internationale du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 est caractérisée comme un des temps forts de la diplomatie française en 2018, au même titre que l'Assemblée générale des Nations unies. C'est également le cas pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est fêtée le 10 décembre 2018. Alors, est-ce que tu veux bien nous donner des exemples de commémorations avec un impact ou un engagement diplomatique ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous montrer à travers plusieurs exemples comment la diplomatie est utilisée dans le cadre des commémorations. Je vais me concentrer sur la France et je terminerai par la dernière commémoration du 6 juin. Donc, un premier exemple, Emmanuel Macron était allé en Australie en avril 2018 à l'occasion des 100 ans de l'Anzac Day. C'est la commémoration pour les soldats australiens morts pendant la Première Guerre mondiale. Parce que oui, on a souvent tendance à l'oublier. Mais la Première Guerre mondiale n'a pas touché que les Européens. Mais donc le voyage en Australie du président français, qui était, pour la mémoire, était aussi l'occasion de la signature du contrat défense entre la France et l'Australie, qui concernait notamment les sous-marins, et qui s'est concrétisé en février dernier, et je vous avais parlé de ce grand contrat sur les sous-marins à l'épisode 4. C'était également l'occasion pour l'Australie de discuter des accords économiques avec l'Union européenne sur un fonds de Brexit. Ici, c'est la diplomatie économique qui est liée aux commémorations. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est beaucoup plus vieux, qui est la question des cimetières américains en France. En France, où de nombreux soldats américains ont perdu la vie pendant la Première, puis la Seconde Guerre mondiale. Selon Robin Run, que vous trouverez en description, ces cimetières, en plus de l'aspect commémoratif qui est principal, étaient également la représentation des ambitions hégémoniques des États-Unis, alors que leur politique isolationniste vivait ces dernières années. Ici, on voit que la diplomatie politique et l'établissement d'un nouvel ordre mondial est fondamentalement lié au lieu de commémoration des grandes guerres. On reste un petit peu dans ce qui est vieux. On va parler de l'année 1984 et la commémoration du 6 juin. À ce moment-là, il y a des batailles de mémoire qui ont posé le gouvernement français, le comité du débarquement, les collectivités locales de Normandie, mais aussi les gouvernements étrangers. Parce que cette année-là, le Luxembourg, la Grèce, la Tchécoslovaquie, la Pologne et le Danemark ont demandé à participer au sommet international représentatif. À ce moment-là, le service historique des armées a dû valider le bien fondé des revendications de ces pays. Et puis, selon leur rang et leur importance, leur droit de représentation à ce sommet international était différent. Et parce qu'à ce moment-là, la cérémonie comprenait maintenant 12 États, et qu'en 1984, la France et la République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Est, étaient alliées, mais que la Seconde Guerre mondiale était encore relativement fraîche, la France n'a pas pu tout simplement exclure l'Allemagne de la cérémonie alors qu'elle en avait fait la demande. Donc elle a dû proposer une contrepartie, parce que l'Allemagne n'était pas présente à cette cérémonie, et donc elle a proposé une cérémonie franco-allemande à un autre moment. Alors c'est qu'un exemple parmi d'autres, et c'est un petit peu compliqué, mais l'impact diplomatique de ces commémorations, c'est important, et ça peut cristalliser soit une entente, soit une mésentente entre pays qui ont partagé une histoire commune, qu'elle soit positive ou non. Et donc, quels autres symboles peuvent avoir ces commémorations? Quels autres types d'influences diplomatiques peuvent-ils avoir? Alors, les commémorations, ça a des influences évidemment sur les gouvernements étrangers, parce qu'il faut, il faut les organiser avec eux en les prenant en compte. Ça a des influences évidemment nationales sur le peuple, mais aussi sur le peuple et les citoyens des autres pays qui participent à ces commémorations. Les commémorations du débarquement en France ont un impact évidemment sur les Américains et les Anglais, qui sont les premiers concernés par le débarquement. Il y a aussi des impacts sur les relations avec les ONG et les associations, généralement de mémoire, qui peuvent soit résoudre des problèmes, et ça peut se passer très très bien, soit, en période de conflit, cristalliser des petites choses, et d'ailleurs je vais en revenir pour une des dernières commémorations, des petits problèmes et en faire des montagnes, ce qui est souvent la preuve d'une mésentente beaucoup plus globale que simplement sur la question de la mémoire. D'ailleurs, en parlant du débarquement, en juin 2014, on avait célébré les 70 ans du débarquement en Normandie, et il y avait eu de nombreuses personnalités politiques qui ont fait le déplacement. Ce qui a eu un impact au niveau national sur la popularité de François Hollande, qui était jusqu'alors relativement basse. Mais au-delà des considérations purement nationales, François Hollande avait invité le président ukrainien, Petro Porochenko, alors même que Vladimir Poutine était présent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année 2014 pour les relations russo-ukrainiennes, c'était pas vraiment le top. Ici, la commémoration a été l'occasion pour la France de faire passer un message fort à la Russie en invitant le président ukrainien. Les commémorations, ça peut aussi être des enjeux en soi. C'est le cas de la journée de commémoration du génocide arménien qui a été décidée par la France et qui se tient le 24 avril. La Turquie a condamné cette journée, son propre récit national n'acceptant pas le terme de génocide. Pour un très bref rappel, et clairement il faudra dédier un grand dossier sur la question, mais les Arméniens estiment qu'1,5 million des leurs ont été tués de manière systématique par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, c'est l'ancêtre de la République de Turquie qui a été proclamée par Mustafa Kemal en 1923. Donc la reconnaissance du génocide par la France, mais encore plus que ça, la commémoration pour ses victimes, est prise comme une offense en Turquie, qui refuse d'accepter cette partie de son histoire. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de pays ont un lourd passé, et que reconnaître que son pays a fait des crimes contre l'humanité, c'est toujours compliqué. Et c'est souvent l'enjeu de pression diplomatique. Oui, d'ailleurs, la question du génocide arménien est une question qui est toujours très d'actualité, puisque même la reconnaissance de la France a été très récente, si je ne me trompe, et il y a encore de nombreux pays européens qui ne le reconnaissent pas. Et je pense que ça montre bien aussi l'importance de la symbolique dans les relations internationales, finalement. Exactement. La question de la mémoire, c'est aussi une question symbolique. Pas que, mais c'est aussi une question symbolique. Pendant les commémorations du 11 septembre de l'année dernière, à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice, Emmanuel Macron a organisé le Paris Peace Forum, donc le Forum de la paix, un grand événement diplomatique puisque beaucoup de chefs d'État s'y sont rendus. Le forum avait pour objectif de défendre le multilatéralisme, de plus en plus boudé par les États-Unis dans leurs actions internationales, notamment en ce qui concerne le contrôle des armements conventionnels et nucléaires, comme l'a montré leur attitude envers les traités ABM, FNI et le traité iranien. D'ailleurs, Donald Trump, qui était évidemment présent pendant la commémoration, ne s'est pas rendu à ce forum de la paix, et il est allé dans le cimetière américain de Suresnes. Donc tous ces événements sur un fond de tweets de Donald Trump et une volonté française de créer une armée européenne, avec pas mal de tensions entre les deux. Jusque-là, rien de très nouveau. Mais je vous ai dit un petit peu plus tôt que l'Allemagne de l'Est n'avait pas été invitée à la commémoration de 1984, et c'est là que ça devient super intéressant, parce que en 2018, la cérémonie s'est ouverte sur un discours d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Donc on voit bien que les relations entre France et Allemagne ont énormément évolué. C'était pas convié en 1984, ils ouvrent la cérémonie aux côtés de la France en 2018. La commémoration, c'est pas simplement l'occasion de faire quelque chose de nouveau ou de prendre position sur un sujet. Mais ça peut être la photographie d'un moment, l'état des relations diplomatiques d'un pays. Et donc tout ça pour en arriver à la commémoration du 75e anniversaire du débarquement. Oui, exactement. Alors le 75e anniversaire du débarquement, que les médias ont nommé le D-Day, j'imagine que c'est l'expression américaine. Cette commémoration est extrêmement importante, notamment concernant les relations diplomatiques franco-américaines, puisque en novembre, les relations étaient plutôt froides entre Trump et Macron, et que, entre-temps, anecdotiquement, le chêne qu'avait offert Macron à Trump lors de sa visite à la Maison-Blanche pour symboliser la relation France-États-Unis est mort pendant sa mise en quarantaine. Donc, c'était vraiment important de faire cette commémoration ensemble pour voir si les relations avaient bougé. Mais apparemment, de nouveau, cette commémoration a été l'occasion de tensions entre Macron et Trump, notamment sur des questions d'organisation et de protocole. Alors, c'est la cérémonie au cimetière américain de Colville-sur-Mer qui aurait plus ou moins cristallisé les tensions, car Trump aurait cherché à imposer ses conditions pour la cérémonie, notamment parce qu'il voulait être transporté en hélicoptère, et aussi sur la taille du micro, Donald Trump étant beaucoup plus grand qu'Emmanuel Macron. Alors, ça peut sembler anecdotique, la taille du micro et savoir s'il faut le plier ou pas, mais le fait que les deux hommes se soient vivement opposés sur ces questions, bah, ça met en avant la qualité de leur relation. Une certaine rivalité France-États-Unis et une amitié relative, et très relative, entre le président américain et le président français. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petits événements pendant les grandes célébrations de mémoire ont vraiment beaucoup d'importance dans la diplomatie et dans la conduite de la politique étrangère. C'est pas juste les grands conflits très médiatisés qui ont cette importance. D'ailleurs, dans le discours de Macron, on a pu voir une mise en avant de la diplomatie derrière les commémorations. Je vous cite « Les débats du présent n'enlèvent rien, au contraire, à la force de notre histoire partagée et de notre avenir commun, parce que notre histoire nous dépasse, parce que nos vétérans nous obligent. » Et dans ce même discours, il exprime encore une fois, comme en novembre, des reproches aux États-Unis sur leur éloignement des politiques multilatérales et sur le besoin d'une Amérique qui ne soit pas isolationniste. Et je vais terminer sur cette citation. L'Amérique, cher président Trump, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres. L'Amérique, cher président Trump, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs. Merci pour toutes ces explications, Océane. C'est vrai que parfois il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir creuser un peu plus loin. Et je pense que c'est pour ça que tous les deux on est passionnés par ce genre de sujet. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.